Ici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que c'est quand même tranquille dans le bulletin de sport local. On va parler de hier quand même, on a parlé avec le maire de Saint-Prime, Lucien Boivin. Lucien Boivin qui et sa municipalité ont décidé d'investir pas mal dans les infrastructures en loisirs cette année. En entrevue sur les ondes de TerrainDeSport.com, hier, Lucien Boivin a mentionné les raisons qui ont poussé la municipalité à investir dans le terrain de tennis et un peu au soccer également. Il reste à travailler, c'est là, quand on va avoir un beau terrain de tennis, la stabilité du deck hockey pour l'an prochain, je pense qu'on va avoir quand même accompli quelque chose de, qui va pouvoir servir pour nos citoyens. Des projets bien d'ordre sportif, pour le moment, c'est pas mal ce que nous allons travailler dans les prochains mois. On n'a pas de développement majeur à partir de cette année. Mais on est quand même à l'affût de tout projet ou de toute activité qui pourrait intéresser notre population. Lucien Boivin, dans un deuxième temps, indique que la municipalité, au cours des prochaines semaines, va tenter de stabiliser le deck hockey. On sait qu'il y a un problème l'automne pour le deck hockey. Il n'y a pas de surface avec un toit. Et Lucien Boivin explique content de trouver des solutions là-dessus. Là, ce qui reste à travailler, c'est là, quand on va avoir un beau terrain de tennis, la stabilité du deck hockey pour l'an prochain, je pense qu'on va avoir quand même accompli quelque chose de, qui va pouvoir servir pour nos citoyens. Des projets bien d'ordre sportif, pour le moment, c'est pas mal ce que nous allons travailler dans les prochains mois. On n'a pas de développement majeur à partir de cette année. Mais on est quand même à l'affût de tout projet ou de toute activité qui pourrait intéresser. On va parler maintenant de soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer. D'abord, hier, à noter que dans la classe U12 féminin, Robertval a gagné 6-1 sur le Mistral de Jonquière. Toujours dans le U12 féminin, gain de Saint-Félicien 4-1 sur Métabitchouan. Et le Boréal d'Alma a vaincu facilement de le Boom Cessini 8-1 dans le U14. Et le FC de Saint-Félicien, toujours dans le U14, a vaincu le Chinook 7-1. Et je termine avec du baseball de la Balmol, c'est-à-dire trois parties de ton programme hier dans la Ligue de Balmol. D'abord, victoire de Garma contre Pierre-Sauto-Roussel 9-8, le Bar Le Zodiac 11 et le Megavac 10 et Intersport a défait Saint-Hubert Express 12-11. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec le maire de Saint-Prime, Lucien Boivin. Et on a parlé également avec Gilles Péloquin qui va collaborer avec nous pour les activités de la Ligue nord-américaine. Gilles Péloquin qui a réagi à l'entrevue de Richard Martel qui a donné sur les ondes de CKJ vendredi dernier. On sait que Richard Martel avait mentionné qu'il désirait être s'il avait une offre pour être commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, il écouterait. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.